Bonjour et bienvenue dans cette troisième émission de En Piste les Artistes. Emmanuel Fitou aux commandes. Je suis ravi de vous retrouver à nouveau. Dans notre première émission, nous avions rencontré Frédéric Sem et Bruno Vitti et nous avions évoqué les animations magiques mises en place au Centre socio-culturel de la Lande. Pour commencer, je tenais à rectifier une de mes erreurs. Il ne s'agit pas du Festival Magie à la Lande, mais de Festimagie à la Lande. Et oui, une syllabe en trop et on perd toute la nuance. Maintenant que la rectification est faite, je peux tranquillement vous faire partager mon entretien avec trois ouvriers, si j'ose dire, de cet événement, afin de découvrir ce lieu qu'est le Centre socio-culturel de la Lande, mais également de parler des autres activités prévues dans le cadre de Festimagie. J'ai donc rencontré Jean-Marc Galèze, qui est le directeur du Centre socio-culturel de la Lande, Alain Sénéchal, plus connu sous le nom d'Alsen, qui est magicien professionnel et qui encadre l'atelier Backstage, l'envers du décor et les tremplins Magic Kids, et sans oublier l'homme invisible de ma première émission, j'ai nommé Laurent Bastide, qui est secrétaire de l'amicale Robert Houdin. Alors bonjour à vous trois. Nous allons parler un petit peu des différents événements qui se passent dans le cadre du festival Festimagie à la Lande, contrairement à ce que j'avais dit la dernière fois. Donc nous sommes avec Jean-Marc Galèze. Bonjour Jean-Marc. Bonjour, bonjour. Avec Alain Sénéchal, alias Alsen. Bonjour. Et avec Laurent Bastide, qui ne nous avait pas parlé la dernière fois. Bonjour Laurent. Bonjour Emmanuel. Alors pour commencer, j'aimerais bien, Jean-Marc, que tu nous présentes un petit peu ce lieu qu'est le Centre culturel de la Lande. Alors le Centre socio-culturel de la Lande est un des 16 équipements de la mairie de Toulouse qui sont répartis dans les différents quartiers de la ville. La Lande en étant un, c'est un centre socio-culturel plutôt orienté vers animation culturelle, sportive, en direction des habitants du quartier, et héberge en son sein un centre de loisirs, c'est le centre de loisirs de la Lande, qui accueille les enfants de 6 à 11 ans, 12 ans, ainsi que les adolescents de 12 à 17, les mercredis et petites vacances et grandes vacances. Voilà. Parfait. Et dont tu es le directeur, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, j'en assure la direction depuis quelques années déjà. Alors là, aujourd'hui, j'ai assisté à un événement très particulier, qui est l'atelier L'envers du décor, si je ne dis pas de bêtises. Donc Alain, c'est toi qui encadrais cet atelier. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le déroulé ? Oh, le déroulé, il est très simple, c'est de donner concrètement envie aux enfants de pratiquer la magie. Donc c'est une petite initiation, vraiment. On le trempe le bout du pied et après ils y prennent goût normalement. Ils demandent à revenir dans d'autres cours et pour d'autres, je dirais, sessions qui ont lieu ici à Lavant. Et alors comment ça se compose justement cette première partie ? Parce qu'il y a plusieurs parties, j'ai l'impression. Il y a à la fois un spectacle, puis un petit atelier. Oui, alors on fait un spectacle pour essayer de parler de ce qui se fait au niveau de la Lande, à savoir beaucoup de spectacles magie. Là, il y en aura un ce week-end avec Bruno. Et j'essaye de donner une petite touche de magie. Donc moi, je fais 15-20 minutes à chaque fois, suite de quoi je fais un atelier avec une douzaine d'élèves pour leur donner les premiers... comment dire, leur donner leur premier pas en magie. Et tu leur apprends quelques petits tours Oui, des choses basiques, vraiment, mais c'est là où on se rend compte que la chose la plus simple soit-elle, demande de la part des apprentis magiciens vraiment un travail de concentration, et on ne peut pas faire énormément de choses contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ça demande vraiment une attention de la part de l'élève. Et alors justement, j'ai vu qu'il y avait un joli moment à la fin qui est la remise des diplômes justement à ces apprentis magiciens. Oui, c'est le bon terme. Et dans lesquels ils s'engagent à respecter certaines règles. Est-ce que tu peux un petit peu nous parler de ces règles de l'apprenti magicien ? Oui, les règles sont finalement tout à fait logiques. La première et la plus importante, je crois, c'est de ne pas révéler les secrets. Donc tout de suite, on leur donne cette envie de savoir faire quelque chose sans pour autant être obligé de l'expliquer aux autres. Et après, bon, de là vont découler plein d'autres choses. pour faire leur premier numéro, il va falloir qu'ils s'entraînent, ça va faire partie des règles, devant un miroir s'ils en ont la possibilité, de bien s'entraîner avant, de ne pas donc dévoiler, de respecter le public, de tout cela fait que ça va, il y a 10 règles qu'on a mis, bon, d'être toujours bien présentable, également dans les autres règles, de ne jamais refaire deux fois le même tour, parce que c'est inutile, il n'y a plus de magie. Ça devient une répétition et ça n'a aucun intérêt. Voilà un peu le type de règles qu'on leur explique. Et alors, il y en a une qui a particulièrement attiré mon attention et qui me permet de faire un lien avec l'interview que j'avais faite de Bruno Vitti. C'est justement sur la préparation d'un texte ou d'une présentation de ce numéro. Il y a une sorte presque d'incitation à travailler le tour, pas en tant que tel, pas en tant juste que tour technique, mais avec une petite présentation autour. Oui. Une théâtralisation, c'est ça, oui. Mais moi, je dis toujours, la magie, c'est du théâtre. Et c'est vrai, c'est-à-dire que si on fait un tour pour faire un tour, on a juste un effet de quelque chose, comme quand on jette une balle en l'air et qu'il retombe. Il n'y a rien de merveilleux là-dedans, c'est logique. Par contre, si on y amène une histoire, si on, comme tu dis, si on théâtralise le tour, là, on a effectivement un effet magique, différent d'un effet technique. Alors là, aujourd'hui, j'ai assisté donc au premier temps, donc au spectacle et oui. À l'envers du décor, oui. Où il y a, donc, tu m'as dit, à peu près 12 étudiants. Oui. Et il y a une deuxième partie, pour ceux qui ont envie d'aller un petit peu plus loin. Tu peux nous en dire un petit peu plus, Jean-Marc ? Oui, tout à fait. Donc la deuxième partie qui est issue d'une réflexion, une volonté, la question c'était que faire des enfants qui sont déjà apprentis magiciens ? Qu'est-ce qu'ils peuvent souhaiter ? Vers quoi nous pourrions les amener ? La réponse, ça a été pourquoi pas une première scène, une micro-scène, une scène peut-être pas individuelle avec 20 minutes, 30 minutes de solo, mais une scène travaillée collectivement et accompagnée par magicien. Donc c'est Alcène qui a accepté, au travers de son association Pratique la Magie, d'accompagner ce projet et d'avoir ce regard technique de metteur en scène et aussi de technicien. Donc ce sont des enfants qui sont à la base apprenti magicien ou qui ont une maîtrise de la magie, déjà une petite pratique de magie, et qui viennent durant 5 séances les samedis. 5 séances juste avant le spectacle d'un professionnel de la magie, d'un artiste professionnel. 5 séances pour terminer la 5e séance avec ce spectacle qui se déroule le même jour que Bruno Vitti, entre autres, samedi prochain. Le spectacle des kids aura lieu samedi dans la matinée, avant le professionnel. Il draine des parents, il draine la famille, les amis, le premier public de ses enfants. Une petite information quand même importante, comment est-ce que l'on peut faire pour inscrire son enfant à ces différents ateliers ? Alors, toutes les informations sont disponibles auprès du Centre socioculturel de la Lande. Nous avons des plaquettes et nous avons toute l'information à disposition du public. Les curieux peuvent aller sur Facebook. Nous pouvons aussi, au travers de Facebook, il y a les rendez-vous, il y a les plaquettes, il y a les affiches. Mais nos partenaires de la RH sur cette opération ont carrément fait une page Festimagie. Et donc, au travers de cette page Festimagie, tous les renseignements sont aussi à disposition. Maintenant, nous pouvons constater que l'information passe, puisque des gens de l'extérieur de Toulouse commencent à venir. Nous avons des demandes pour les samedis, des gens qui viennent le mercredi sur les backstage envers du décor. Donc j'ai l'impression que notre communication est en train de porter ses fruits. Alors maintenant, je vais me tourner un petit peu vers Laurent Bastide. Est-ce que tu peux nous parler des événements à venir pour Festimagie à la Lande ? Oui, bien sûr. Alors en plus des ateliers d'initiation et de perfectionnement, nous avons une programmation en termes de spectacle. Donc ce samedi, à savoir le 21, nous avons donc Bruno Vitti et nous poursuivons ensuite au mois de mars, le 25 mars, avec un vieux routier, je dirais, des cabarets parisiens qui s'appelle Arsène. Son spectacle qui s'appelle Il est fou Arsène. Donc c'est toujours au Centre socioculturel de la Lande à 20h dans la salle de spectacle. On poursuit ensuite avec deux événements en liaison avec les Fous Rires de Toulouse avec lesquels nous avons un partenariat, le Centre socioculturel, la RH Toulouse, donc Festimagie et ce festival donc de rire toulousain. Avec un vieux routier aussi de la magie qui s'appelle Sylvain Mirouf, que l'on connaît pour l'avoir vu pendant très très longtemps à la télévision. Donc il vient nous proposer un spectacle de stand-up magique donc, le 13 mai à 20h. Et on terminera par une petite nouveauté, par un événement magique que nous avons appelé le Bouillon de Magie, qui est en fait une scène ouverte. C'est la seule scène ouverte de la magie à Toulouse, où les amateurs semi-professionnels, amateurs et professionnels pourront venir se présenter sur cette scène ouverte donc au public. Et c'est le vendredi 19 mai, et cette fois-ci c'est à 21h. Ils pourront gagner bien sûr un prix, c'est un chèque. Et également, le grand gagnant pourra se produire à l'avant-première d'une scène d'un des événements des Fous Rires de Toulouse, donc l'année prochaine, en 2017-2018. Et alors justement, pour les jeunes magiciens qui sont intéressés, comment est-ce qu'on peut faire pour s'inscrire ? Alors, pour s'inscrire à ce bouillon de magie, qui est une scène ouverte, on peut avoir quelques informations avec des liens utiles pour envoyer un lien YouTube. Et les informations se trouvent sur le site internet festimagie.com. Voilà. Juste une précision, bien entendu, à partir de ce site, on peut tomber directement, pour acheter ses places bien sûr, sur la page Festic du Centre Lalande. Et également appeler le Centre Lalande au téléphone pour avoir des renseignements ou réserver ses places. Bien, merci beaucoup Laurent pour cette précision. Et j'aimerais juste finir sur un petit point. Jean-Marc, finalement, pourquoi créer un événement comme ça autour de la magie, un événement régulier ? Ah, c'est une grande histoire. C'est d'abord une histoire humaine entre Alain, moi-même, puis Laurent, grâce à Alain, est arrivé pour faire ce trio. La magie est un univers, il n'y a pas de limite à la magie. Nous utilisons cette discipline comme un moyen de rendre les enfants le plus autonomes possible et avoir un moyen de pouvoir capter le public et le regard des adultes et en premier leurs parents. C'est aussi un univers où les enfants et les adultes peuvent se côtoyer en se tutoyant et en étant dans un même monde. C'est aussi l'univers du spectacle et c'est très intéressant. C'est une discipline dure, comme toutes les disciplines artistiques, qui demande du travail. Et de fait, amener les enfants à percevoir derrière toute action, derrière toute discipline, le travail qu'il peut y avoir, je trouve que c'est un bienfait en termes de représentation. Et puis, il y a des centres qui portent une identité. Saint-Cyprien, c'est la danse. Les Mazades, ça va être autre chose, ça peut être la musique. Nous, ben, c'est la magie qui s'est posée de fait. Mais je tiens à le dire avant toute chose, parce qu'il y a derrière, il y a une histoire d'être humain. Une histoire d'amitié, une histoire chaude, riche, pleine de sens, qui a fait que ben, ça s'est imposé de fait. Parfait. Eh ben, je vous remercie à tous les trois. Merci Jean-Marc, merci Alain et merci Laurent pour ces précisions. Merci à toi. Merci à toi. Après avoir assisté à l'atelier d'Alain Sénéchal backstage l'envers du décor, j'ai voulu connaître la vie d'un parent. Je me suis demandé pourquoi emmener son enfant dans un atelier d'initiation à la magie et voici la réponse que j'ai obtenue. Bonjour monsieur. Bonjour. Je voulais savoir pourquoi est-ce que vous avez inscrit votre enfant à cette animation un petit peu particulière ? Alors en fait, c'est parce que mon fils donc avait vu à la télé des spectacles, un spectacle de magie, a commencé à regarder les moyens de reproduire les mêmes tours de magie, ce qui nous a poussé, moi et ma compagne, à faire des petites recherches pour savoir s'il existait un club de magie sur Toulouse et ses environs. Et là, on a vu effectivement, ici, dans ce centre d'animation de la Lande, qu'il y avait ça correspondait bien à ce qu'on voulait pour notre fils, c'est-à-dire qu'il puisse découvrir, au travers de petits stages, le monde et l'univers de la magie, voilà, tout simplement. Sachant que, bon, après, on n'a pas vu beaucoup de clubs permettant de faire ce type de projet, de tour de magie, quoi, en fait. Parfait, merci beaucoup. Ouais. Dans cette troisième émission, je tenais à vous donner quelques nouvelles de Bruno Viti que nous avions rencontré dans la première émission. J'ai donc pu assister à son spectacle, Ambiguus Patronymus le sorcier voyageur, qui a eu lieu le 21 janvier dans le cadre de Festimagie. Malgré un retard conséquent, qui a été comblé avec brio par Laurent Bastide, Bruno a embarqué les spectateurs de cette salle du Centre socio-culturel de Lalande pleine à craquer dans son univers féerique. Enchaînant numéros visuels, gags, mais également quelques moments de tendresse, il n'a pas failli à sa réputation, et je pense que l'on peut dire que le public entier était convaincu. Alors comme vous le savez, je suis moi-même magicien, et je tenais à faire une mention spéciale à un numéro que j'aime beaucoup, qui s'appelle dans le jargon magique les sables du désert. Pour les curieux, vous pouvez aller voir sur YouTube à quoi ça ressemble. Et je dois vous admettre que grâce à son travail théâtral de qualité, Bruno nous en a livré une version complètement neuve, et pour la première fois, j'ai eu la sensation que ce numéro ne ressemblait pas aux nombreuses autres versions qui m'ont été données de voir. Que va-t-il se passer du côté du Centre socio-culturel de la Lande dans les semaines qui viennent ? Alors, je ne vais pas vous dérouler l'intégralité du programme, mais on va aller jusqu'au prochain Festimagie. Alors, les 23 et 24 février, à 21h, il y aura un festival de théâtre amateur qui s'appelle Théâtre d'hiver. Les 25 février à 20h30 et 18 mars à 20h30, l'association La Brique de Toulouse vous proposera un match d'impro. Le 8 mars à 10h, place au jeune public. Ce sera des contes mêlés à des marionnettes des 3 ans et ça s'appelle T'es bête ou tu fais exprès de Douyou Démon, un nom pour le moins intrigant, ma foi. Le 12 mars à 11h30, quelque chose d'assez spécial qui s'appelle Jazz Eat Time et c'est un mélange un petit peu particulier de jazz et de gastronomie. Le 16 mars à 20h, carte blanche à Alima et c'est un concert de musique du monde. Le 22 mars à 14h, nous retrouvons donc Alain Sénéchal pour Backstage, l'envers du décor. Et le 25 mars, ça sera le 9e Festi Magie, avec à 11h les tremplins Magic Kids. À 15h, une conférence réservée aux magiciens, comme nous l'a dit tout à l'heure Laurent Bastide. À 20h, le spectacle Il est fou, Arsène, du magicien Arsène. Et à 21h, rencontre avec le public pour lui poser quelques questions. Mais il n'y a pas que des spectacles du côté du Centre socio-culturel de la Lande, il y a également des expositions. Du 1er au 28 février, une exposition qui s'appelle Vocation Violette, et ça sera la 5e édition, et c'est une expo qui est dédiée aux artistes du quartier et aux sympathisants du centre d'animation. Du 6 au 31 mars, l'exposition Les Fleurs du Mal, de Gérard Picard, donc c'est une exposition de peinture, et il y aura un vernissage le 16 mars à 18h30. Eh oui, En Piste les Artistes, c'est déjà fini, mais je vous rassure, nous nous retrouvons dès vendredi prochain, où nous irons à la rencontre de Francis Azéma, qui est directeur du Théâtre du Pavé. Je souhaite remercier, bien entendu, Jean-Marc Galaise, Alain Sénéchal, alias Alsen, Laurent Bastide, mais également le monsieur qui a accepté de répondre à ma question dont je n'ai malheureusement pas le nom, sans oublier l'ensemble de l'équipe de Radio Montmirail. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, si vous-même vous avez des suggestions concernant l'évolution de cette émission ou tout simplement des sujets à aborder, n'hésitez surtout pas à me contacter par email à l'adresse emmanuel.fitou@gmail.com. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend du moment où vous écoutez cette émission, et à bientôt !